وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد, on aborde à présent la deuxième partie de nos rencontres donc hebdomadaires. Et cette fois-ci, donc, on va avoir l'occasion de continuer cette série concernant les nobles caractères. Concernant les nobles caractères. Et on avait dit donc que ces cours, ils sont tirés du livre Rawdatul Uqala de Ibn Hibban. Ou si, pour être plus précis, de dire donc inspiré. Donc dans l'agencement des chapitres, également dans les informations, même si je ne me limite pas à ce qu'il y a dans le livre. Mais donc, en grande partie, on s'en tient à résumer ce que Al-Hafidh Ibn Hibban a pu réunir dans son livre. Et si l'occasion se présente également de rapporter certains commentaires de Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr, de temps à autre. J'insiste à chaque fois sur cela pour pas que les frères qui prennent des notes, ils disent forcément Ibn Hibban a dit. Non, car comme je vous l'ai dit, c'est un résumé. Car comme je vous l'ai dit, c'est un résumé et que ça peut arriver que je fasse des parenthèses. Ça peut arriver que je fasse des parenthèses. Donc on essaie d'être un minimum rigoureux donc, et de ne pas attribuer aux ulémas de la umma, de la communauté, ce qu'ils n'ont pas dit. Le chapitre qui fait suite à ce qu'on a vu précédemment, donc on avait parlé à plusieurs, il y avait plusieurs chapitres. Il y avait le fait de réformer nos cœurs avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être assidu dans l'apprentissage de la science, le fait de préserver sa langue et de la retenir. Et nous allons parler à présent de quelque chose qui est lié à cette chose-là. C'est lié à tous les chapitres qui sont passés, et chaque chapitre est lié aux autres, notamment celui-ci. C'est l'incitation à faire continuellement preuve de véracité et à délaisser le mensonge. Faire continuellement preuve de véracité et à délaisser le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat At-Tawba, « Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. » Ô vous qui croyez, craignez Allah, et soyez parmi les véridiques. Et soyez parmi les véridiques. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'Ibn Mas'ud qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: accrochez-vous à la véracité, car la véracité conduit à la piété, et la piété conduit au paradis. Et l'individu ne cessera de faire preuve de véracité jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique, comme étant un grand véridique. Et méfiez-vous du mensonge, car le mensonge conduit à la perversité, et la perversité conduit en enfer. Et l'individu ne cessera de faire preuve de mensonge jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. Qu'est-ce que c'est que la véracité? La véracité, c'est donc l'inverse du mensonge. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Une chose, tu la connais par son inverse, et par leurs inverses, tu connais la valeur de chaque chose. Donc, la véracité, son inverse, c'est le mensonge. La véracité, c'est que tes paroles, c'est que tes actes, tes positions, dans les différentes situations qui se présentent à toi, c'est qu'elles soient en accord avec la vérité, qu'elles soient en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur. C'est que ce soit en accord avec ce qu'il y a dans ton cœur. Et la véracité, donc ça concerne à la fois les paroles, mais également les actes, et également les positions que tu vas être amené à adopter dans tel et tel sujet, dans tel et tel litige, dans telle et telle divergence. Et c'est donc lié à tout ce qui a précédé. Car le fait de faire preuve de véracité, ça demande de toi d'avoir un cœur bon, pur. Ce qui va se répercuter sur ta langue, étant donné qu'on avait dit que la langue, c'est l'interprète de ce qu'il y a dans le cœur. Et que la langue, ça fait partie des membres sur lesquels la véracité de la personne va se manifester. De même que le mensonge d'autres individus qui va se manifester donc sur leur langue, également comme on l'a dit, dans leurs actes et leurs différentes positions. Et ce sujet, mes frères, par Allah, il est très important. Et chacun de ces sujets, en vérité, il l'est. Chacun des sujets et des chapitres qui ont été abordés par Ibn Hibban, rahimahullah, revêt une importance capitale. Au niveau de l'individu lui-même, la personne elle-même, dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, durant son passage dans cette vie d'ici-bas, pour qu'il arrive à destination, pour qu'il arrive à ce qu'il recherche, pour qu'il arrive à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit très attentif à chacune de ces choses-là. S'il est au point, tu verras de bonnes répercussions sur lui-même, sur son comportement, sur ses positions, sur ses propos, sur ses actes. Et si jamais il n'est pas au point, et qu'il est déficient dans tout ce que nous avons cité, notamment dans ce sujet-là, tu verras également les mauvaises répercussions de cela sur ses propos, sur ses manières, sur son comportement, sur ses positions. Et c'est pour cela que tu trouves que les ulama, ils insistent beaucoup sur cela, surtout à notre époque. L'importance du sitr, l'importance de la véracité, et les méfaits et la bassesse du mensonge. Prends comme exemple, et c'est un exemple parmi nos ulama que l'on peut citer parmi tant d'autres. Prends l'exemple d'un grand savant de notre époque, parmi les savants contemporains qui sont toujours en vie, qu'Allah allonge son existence dans son obéissance, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah, qu'Allah le préserve. Tu trouves que c'est un savant parmi les savants qui accorde beaucoup d'importance à l'harmonie, à faire régner l'harmonie parmi les enfants et les jeunes de la communauté, notamment parmi les gens de la sunna. Et tu trouves qu'il insiste beaucoup sur cela. Et que souvent, quand il s'adresse à des jeunes pour régler des litiges qu'il y a entre eux, des divergences qu'il y a entre eux, des problèmes qu'il y a entre eux, souvent, il les incite à quoi ? À la véracité. Et les met en garde contre son inverse, contre le mensonge. car beaucoup de divergences sont liées à cela. Des divergences qui parfois prennent des proportions démesurées et qui à la base sont liées à ça. À un problème dans la véracité et à un penchant vers le mensonge. Et il faut que nous accordions tous de l'importance à ces recommandations-là. Surtout, nous autres qui venons donc des pays de l'Europe, de l'Occident, même si en vérité ça concerne tout le monde, mais comme on dit, chacun y voit midi à sa porte, et voit ce qui le concerne à lui directement. Surtout nous ici. Pourquoi j'insiste sur ça? Car tu trouveras que le musulman qui fait des efforts dans sa religion, du fait qu'il ait grandi et qu'il ait évolué dans des sociétés, dans les sociétés occidentales, tu vois qu'il est imprégné et qu'il est forcément touché par beaucoup de mauvaises manières et de comportements vils, et qu'il est touché par cela. Et tu retrouves ces choses-là. Tu retrouves ces choses-là chez des personnes qui cherchent le bien, qui ont délaissé donc l'insouciance, parfois qui ont délaissé la mécréance. Mais qui ont toujours en eux des restes et des résidus de cette mauvaise éducation qu'il y a dans ces sociétés-là. Wallahu al-musta'an. Et la langue, puisqu'on a dit que la langue, ça fait partie des membres sur lesquels se manifeste la véracité et également sur lesquels se manifeste le mensonge, il faut savoir qu'en vérité, elle va se prononcer par la chose qu'elle a l'habitude de connaître. Comme le disait donc Ibn Hibban, la langue, elle se prononce par ce qui lui est coutumier. Et elle va avoir donc sans cesse tendance à se prononcer par des choses qu'elle a, qui lui sont habituelles. C'est pour cela qu'il est important d'habituer sa langue aux bonnes choses, aux bonnes paroles, à être en accord avec la vérité, à être en accord avec ce qu'il y a dans le cœur. Et en habituant ta langue à cela, tu vas l'habituer donc à se prononcer par des propos véridiques. Et tu vas également la détourner du mensonge. C'est pour ça que tu trouves des gens qui, bien qu'ils, parfois, ils voient que ce qu'ils disent n'est pas vrai, ce sont des gens qui n'ont pas pris cette habitude-là. Et ils trouvent des difficultés à être véridiques. Pourquoi ? Parce qu'avant cela, ils n'ont pas fait ce travail-là sur eux-mêmes. Donc ça nécessite des efforts, de la remise en question. Et tous ces sujets-là, si on veut être au point dans ces domaines-là, il faut que premièrement, on ne se sente pas exempt de tout reproche. Et qu'on se sente premièrement concerné par cela. Car la personne, si elle ne se sent pas concernée, comment va-t-il penser qu'elle est déficiente ? Non ? Si lorsqu'il y a par exemple un rappel, ou une exhortation, la personne, elle sent que les propos qui sont tenus, elles concernent tout le monde de sauf elle. Jamais elle va se remettre en question. Donc ça passe par cela. Premièrement, te sentir concerné. Puis, te retrousser les manches et faire les efforts pour faire ce travail sur soi-même. Et donc, habituer la langue à dire la vérité. Et il faut savoir que la véracité, elle a de nombreux bienfaits. De même que le mensonge, de nombreux méfaits. Parmi les bienfaits de la véracité, c'est que ça va te sauver dans certaines situations. Tu trouveras que la personne, même si elle a commis une erreur, même si elle a commis une faute, en étant véridique et en assumant ce qu'elle a fait, tu verras que les gens autour de lui feront preuve d'indulgence. Alors que s'il ment, il va se retrouver avili. Car au bout d'un moment, lorsque les gens se seront rendus compte que tel et tel propos ont été tenus par lui et que lui, il démentait cela, ou que tel et tel acte ont été perpétrés par lui, na'am, et que lui, il les dément, mais qu'ensuite, la preuve est établie que c'était bel et bien lui, ils ne feront pas preuve d'indulgence vis-à-vis de lui. Contrairement à celui qui est véridique et qui en vient donc à assumer ses paroles, actes et positions. Il faut savoir également que parmi les méfaits du mensonge, c'est que c'est là une caractéristique et un caractère qui est propre aux gens bas et vils. Personne qui se complaît dans le mensonge et qui ment sciemment, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de bas et de vil. Également, celui qui ment, il n'est pas cru, même quand il va dire la vérité. Ah, la personne elle a l'habitude de mentir, khalas. Les gens, même quand ils vont dire la vérité, ils ne vont pas le croire, ou au minimum, ils vont douter de ce qu'il dit. Alors que peut-être que parfois, il se retrouve dans des situations, peut-être qu'il a besoin d'aide. Par exemple, il est en danger. Peut-être qu'il appelle ses proches ou ses amis pour qu'ils viennent l'aider, pour qu'ils viennent le secourir. Mais ils ont l'habitude de lui que c'est un menteur. Et que même quand il plaisante, donc il ment. Donc ils ne vont pas le prendre au sérieux, peut-être qu'il va périr à cause de cela. Celui qui ment n'est pas cru, même lorsqu'il dit la vérité. Alors que celui qui est véridique, même le jour où il va se tromper, il va dire une parole fausse, bien sûr il ne va pas la dire volontairement, mais il va se tromper, les gens ils vont avoir tendance à le croire, même s'ils trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux, ils vont dire si un tel il le dit, c'est que ça doit être vrai. Également, il faut savoir que le menteur, il est beaucoup sujet à l'oubli. Et que le mensonge, donc, c'est une cause qui pousse à l'oubli. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est les propos qu'il tient, ils ne sont pas basés sur la vérité, ce sont des choses qu'il invente. Donc forcément, il va avoir tendance à les oublier. Il va avoir tendance à les oublier. Et du fait que c'est quelqu'un qui oublie facilement, il va s'exposer à quoi ? Il va s'exposer au fait que les gens ils vont se rendre compte que c'est un menteur. Un jour, il t'a dit ça. Quelque temps plus tard, tu lui rappelles cela en pensant que c'était vrai. Et lui, il a oublié, il te dit non, j'ai jamais dit ça. Alors que toi, tu t'en rappelles parfaitement. Non ? Et donc, le menteur, il s'expose lui-même à l'oubli. Et il s'expose donc lui-même à s'humilier. Et également, il faut savoir que parmi les méfaits du mensonge, il y a des mensonges qui sont liés à ce bas monde, et c'est ceux auxquels je viens de faire référence et allusion. Mais il faut savoir, wal a'yadu billah, que les méfaits du mensonge également s'étendent jusqu'à dans l'au-delà. Et vous avez entendu, et on terminera par ça, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Al-Bukhari et Muslim. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui disait, et méfiez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la perversité, conduit à la perversité, et la perversité conduit à l'enfer. Wal'iyadu billah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de réformer nos langues. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين